L'arbre. Il était une fois deux frères qui aimaient à se retrouver et à chasser au plus profond de la forêt. Un jour, ils s'aventurèrent encore plus loin qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Ils découvrirent alors un arbre. Ils n'en avaient jamais vu de semblable auparavant. Il se dressait unique parmi les autres arbres, d'une taille et d'une beauté exceptionnelles. Un agréable parfum en émanait et imprégnait l'air tout autour. Ses branches étaient abondamment chargées de fruits succulents. Quelques fruits mûrs jonchaient le sol au pied de l'arbre. Alors, les frères décidèrent d'en ramasser quelques-uns et de les goûter, tout en s'accordant un peu de repos à l'ombre des arbres. Ces fruits étaient les plus délicieux et les plus nourrissants qu'ils avaient jamais eu la chance de savourer. Alors, ils en ramassèrent encore et reprirent le chemin du retour pour partager avec leur famille ce qu'ils venaient de découvrir. Après que les autres eurent goûté tôt aux fruits et écouté le récit des deux frères, ils décidèrent ensemble de réunir leurs proches et de suivre les frères vers l'arbre pour y établir leur nouvelle demeure. C'est ce qu'ils firent. Et ainsi, pendant plusieurs générations, les deux familles se développèrent en nombreuses et vastes descendances, toutes vivant dans les alentours du grand et magnifique arbre. Il y avait toujours plus de fruits qu'il n'en fallait pour satisfaire les appétits de tout un chacun, et ils vécurent tous en harmonie, heureux et satisfaits de toute cette riche nourriture que l'arbre leur prodiguait. Au fil des ans, les légendes et les histoires diverses et variées commencèrent à circuler, présentant des versions différentes sur la manière dont les frères avaient trouvé l'arbre, quel était celui qu'il avait vu le premier et qui avait pris la décision de déménager toute la famille vers l'arbre. Et puis au fil du temps, des noms différents furent donnés à l'arbre et aux fruits par les mêmes familles. Et même si l'arbre avait toujours fourni plus de fruits qu'il n'en fallait pour contenter tout le monde, des doutes et des peurs commencèrent à germer au sein des différentes branches de la famille, chacun craignant que les autres cueillent plus de fruits et qu'il n'y en ait bientôt plus assez pour tout le monde. Des querelles éclatèrent et les frontières furent établies de manière à ce que personne ne puisse aller sur la parcelle de terrain de l'autre pour prendre ses fruits, ni ne puisse se bâtir en transgressant les frontières. Mais entre les différents clans, les frontières étaient l'objet de disputes qui se transformèrent en batailles concernant le tracé juste des frontières et le véritable nom de l'arbre. Petit à petit, les querelles prirent une tournure de plus en plus hostile. Des personnes furent blessées et d'autres perdirent la vie dans ces batailles à cause des frontières et à cause du vrai nom de l'arbre et de ses fruits. Et c'est ainsi que cette merveilleuse harmonie, cette paix et cette coopération dont tous avaient joui dans le passé semblaient irrémédiablement perdues. Après plusieurs années de destruction et de dégâts, une délégation fut formée pour essayer de redonner au moins un peu de civilité et de se rencontrer pour tenter de trouver ensemble une solution à ces conflits. Mais il fut presque impossible de trouver un accord sur la date et le lieu de la rencontre, et plusieurs clans déclarèrent qu'ils ne pouvaient pas rencontrer les autres tant que ces derniers n'auraient pas accepté d'adopter leur vision sur le nom et la nature de l'arbre. Chaque clan continua à affirmer fermement que le nom qu'il avait donné à l'arbre était le seul qui corresponde à la vérité et le seul qui soit juste, et que tant que les autres n'auraient pas accepté cela, il ne pourrait jamais y avoir une résolution pacifique des conflits qui les opposaient. Plus encore, il ne voulait même pas risquer de polluer la vérité avec les idées et les erreurs des autres, car chacun était convaincu que c'était son allégeance au vrai nom de l'arbre qui permettrait de remplir les conditions requises pour pouvoir bénéficier de ses faveurs. Il s'en trouvait même certains au sein de chaque clan qui finissaient par penser que l'arbre n'avait rien de spécial et qu'il valait mieux le couper. Et c'est ainsi que l'hostilité et les batailles continuèrent. Mais il y en avait un qui restait toujours le même au milieu de toute cette hostilité et de toute cette confusion. Il continuait à donner à tous, sans discrimination, sa beauté, son ombre et ses fruits. L'arbre.